Les éditions de l'Avenir présentent La tête de Martin, comédie en un acte par messieurs Granger, de Courcelle et Barrière, publié à Montréal en 1900. À monsieur Édouard Châteauvert. Distribution Durand de Hall, 50 ans. Wenceslas Durand, son neveu, 28 ans. Isidore Martin, 28 ans. Bertrand, hôtelier. La scène se déroule en 1900 dans un hôtel garni, une salle avec plusieurs portes surmontées de numéros. Entrée par le fond. Maintenant, voyons si l'on a bien inscrit tous les voyageurs. Monsieur Dubois, très bien. Monsieur Lefebvre, Monsieur Coquelet. Très bien. Au numéro 9, Monsieur Martin, profession, propriétaire. Au numéro 11, Monsieur Martin, tiens, encore un Martin, profession, professeur de prothèses dentaires. Au numéro 13, Monsieur Martin, ah, ça, il n'y a donc que des Martins cette année. Profession, clerc de notaire et célibataire. Ah, je le connais celui-là. C'est le casse-cou qui est ici depuis un mois. Pardon, monsieur. Vous n'auriez pas ici un nommé Martin? Oui, monsieur. J'en ai même plusieurs. Plusieurs Martins valent mieux qu'un. Viens, Wenceslas. Monsieur désire une chambre? Deux. Une pour moi et une pour mon neveu. Voici justement deux chambres qui se touchent. Très bien. Monsieur veut-il me dire son nom? Durand. Malek Adèle Durand. Ce prénom vous étonne, ça ne m'étonne pas. Voici comment je l'ai reçu. Ma mère venait de lire le roman de Madame Cottin lorsque je vins au monde. Jeune, mais bien constituée pour mon âge. Elle désirait que le nom du héros turc devint le mien. Le bedeau fit quelques objections à cause de Malek, qui n'est pas dans le calendrier, mais on lui fit observer qu'Adèle s'y trouvait. Cette considération vainquit ses scrupules et je fus nommé Malek Adèle. Mettez Durand seulement. Monsieur Durand. Dernière résidence? Hall, patrie de Heidi, des allumettes soufrées et des piles de planches. Mettez Hall seulement. Rue des Trois Cailloux, 22, les deux cocottes. Mettez seulement 22. Et monsieur? C'est Wenceslas Durand, mon neveu, 28 ans, un cœur d'or et des bras de boulanger. Mettez seulement Wenceslas Durand. C'est ce que j'ai fait. Eh bien, vous faites. Monsieur est-il à Ottawa pour longtemps? Je donnerai une forte prime à celui qui pourrait me le dire. Monsieur vient sans doute pour affaire. Connaissez-vous l'article 1983? L'article 1983? Du Code civil? Je l'ai toujours sur moi. Pas l'article, le code. Mais puisque quand j'ai le code, j'ai l'article, ça peut se dire. Écoutez-le, vous comprendrez alors la fausse position dans laquelle je me trouve et vous pourrez peut-être m'aider à en sortir. Moi? On a souvent besoin d'un plus petit que soi. Voici ce que chante cet article. Je ne sais pas l'air. Le propriétaire d'une rente viagère ne peut en demander les arriérages qu'en justifiant de son existence ou de celle de la personne sur la tête de laquelle elle a été constituée quand elle est constituée sur la tête d'un tiers. Vous avez entendu? Oh, parfaitement. Mais je n'ai rien compris. C'est une bûche. Je m'explique. J'ai une rente de 1 000 $ constituée sur la tête d'un tiers, que je ne connais pas et que je n'ai jamais vu, répondant au nom de... Qu'entendez-vous par constituer sur la tête d'un tiers? Mettons-nous à sa portée. Je suppose que je veuille vous faire 1 000 $ de rente, mais je ne le veux pas. Eh bien, je vous dis... Durand, c'est mon nom, mais je l'emploie ici adverbialement. C'est ainsi que cela se mijote habituellement. Mais au lieu d'agir aussi simplement, je puis vous dire... Je vous servirai 1 000 $ par an tant que vivra votre domestique. C'est un droit que j'ai, comprenez-vous? Très bien. C'est heureux. Or, Jean Martin, mon parent éloigné, mais mon parent, m'a constitué une rente du chiffre précité sur la tête de son neveu. Pourquoi cela? Ah, pourquoi cela? Nous y voilà. Monsieur, il n'y a pas de jour, que dis-je, d'heure, que dis-je, de minute où je ne me pose cette question. Mais pourquoi diable cet animal-là m'a-t-il constitué une rente sur la tête de son neveu? S'il voulait me faire une politesse, viagère, il était si simple de me l'adresser directement. Il m'eût épargné bien des tribulations. C'est au point que je commence à croire que son bienfait est une vengeance habillée en piastre. C'est un joli costume. Joli au premier abord, mais difficile à endosser. Hier, je vais chez Maître Tétrault, notaire à Hall, et je lui dis « Tétrault, je viens toucher ma rente. » « Très bien, me dit-il, mais tu sais que pour toucher, tu dois prouver l'existence de Martin. »« Prouve et je paie. »« Prouver? Comment? Martin n'est pas ici. »« Où est-il? » me dit-il. « Je n'en sais rien, lui dis-je. »« Eh bien, me dit-il, cherche, apporte et tu toucheras. » Alors, l'œil morne et la tête baissée, je suis venu jusqu'ici, demandant à chacun en route s'il n'avait pas, par aventure, vu M. Martin. Mais j'eus beau demander, personne ne put me renseigner. Et vous dites que vous avez des locataires de ce nom? Trois, monsieur. L'un au 9, l'autre au 11, et le troisième... Je vais interroger le 9. Venceslas? Il dort. C'est sans doute la fatigue du voyage. Ça m'étonnerait, attendu qu'il ait été à Ottawa depuis 8 jours. Ah? Il m'y avait précédé pour l'achat de la corbeille, car Venceslas va devenir mon bru. Mon cher hôte, je vous prie d'annoncer ma visite au numéro 9. Ah, oh tiens, je crois que je m'étais endormi. Oh, quand le père Durance me raconte cette histoire, j'ai beau faire, il me semble que j'avale une potée d'opium. Je suis fumé. Je sors du neuf, ce n'est pas mon homme. Mais ce qu'il y a de particulier, c'est que, de même que je l'ai pris pour le Martin que je cherche, de même, il m'a pris pour un Durand qui le poursuit. Or, ce Durand est un huissier, de sorte qu'il m'a menacé de me jeter par la fenêtre. Il allait perpétrer ce délit quand, fort heureusement, le quiproquo s'est découvert. Il m'a serré la main et nous avons ri beaucoup, cette canaille et moi. Encore une histoire. Oh, cet homme-là a servi dans les mille et une nuits, bien sûr. Mais ce n'est pas tout, ça. Il me faut mon Martin. L'hôtelier m'a parlé du numéro 11. Allons-y. Enfant, je reviens. La chambre de monsieur est prête. Bon. Monsieur aime mieux rester ici? Oui. Comme monsieur voudra? Certes. Monsieur attend sans doute le retour de son oncle. Oui. C'est un drôle de particulier que l'oncle de monsieur. Hein? Il a l'air un peu toqué. Diable! Monsieur est fort. Lever une chaise ainsi, à bout de bras. Pourquoi donc me dérangez-vous comme ça? C'est pour vous montrer ce que je pourrais faire de vous dans le cas où vous parleriez mal de mes parents, j'ai dit. Quel drôle de famille. Ah, monsieur Bertrand, que le bon Dieu vous patafiole. Moi, monsieur? Vous me dites que mon Martin est au numéro 11 et vous me lancez sur un sexagénaire sourd, aveugle et myope, tandis que mon Martin a 30 ans tout au plus et jouit de tous ses organes. Ce n'est pas ma faute, moi. Si monsieur veut voir celui du 13? Merci, j'en ai assez comme ça. Je veux, au préalable, aller prendre des renseignements au poste de police. De cette façon, je ne serai pas exposé à bassiner un tas de braves gens qui me le rendraient bien. Comme monsieur voudra. Toi, Venceslas, prends ton parapluie, ton plan d'Ottawa et suis-moi. Nous irons donc à pied? Certes, oui. Je me fais une fête de marcher sur des trottoirs en asphalte. Viens. Oh! Faites donc attention. Faites attention vous-même. Maladroit. Imbécile. Vous avez dit? J'ai dit imbécile. Vous n'êtes pas poli, monsieur. Vous non plus, monsieur. Moi, monsieur, j'ai 52 ans. Et moi, monsieur, 29. C'est justement pour cela. Qu'étant mon aîné de 23 ans, vous devez être 23 fois plus poli que moi. Et s'il me plaît d'être 23 fois plus grossier, moi? Oh, vous m'ennuyez. Jeune homme. Allez au diable. Vous m'en rendrez raison aujourd'hui même. Mon oncle. Dans la personne de mon neveu. Plaît-il? Dans la personne de mon neveu. Pardon, mais... La main d'Aménaïde est à ce prix. Quoi? Vous voulez que j'aille frapper mon semblable? Son semblable, monsieur. Je vous prie de ne pas me dire d'injures. Tu l'entends? Il t'invective. Bah, ça ne fait rien. J'ai pas compris. Comment? Tu refuses de laver mes cheveux blancs? Permettez donc. Wenceslas, n'aurais-tu rien dans la poitrine à gauche? Wenceslas, serais-tu un lâche? Un lâche? Moi? Oh, ma mère. Monsieur. Eh bien, après, qu'est-ce que vous voulez? Monsieur, savez-vous que je suis extrêmement fort? Qu'est-ce que ça me fait? Savez-vous que je vous mettrai en morceaux extrêmement minces? En vérité? En cannelle, monsieur. En poussière, monsieur. Vous? Moi. Vous? Moi. As-tu finis? Ah, il m'a renfoncé mon chapeau sur la tête. Ou attends un peu. Wenceslas, l'honneur des Durand est endommagé dans la personne de ton chapeau. Le fer seul peut le retaper. Il me semble que le premier chapelier est venu... Joseph Côté, par exemple. La main d'Aménaïde est à ce prix. Vous êtes charmant, mais si je succombe... Aménaïde ira déposer des tulipes sur ta tombe. Et moi aussi. Vous me le promettez? Je te le jure. Allons, ça me décide. Votre heure, monsieur? La vôtre? À midi, dans 8 jours. J'aimerais mieux aujourd'hui. Bon, où ça? Où vous voudrez. Devant le bureau de poste. J'aimerais mieux le bois McKay. Va pour le bois McKay. Avec quoi nous taperons-nous? Choisissez vous-même les armes. Eh bien, le pistolet. À 100 pas. J'aimerais mieux à 25. À 25, c'est convenu. À l'épée. Dans une heure, je viendrai vous chercher. Dans une heure. Messieurs, enchanté d'avoir fait votre connaissance. Une affaire m'appelle ailleurs. Nous nous reverrons bientôt. Eh bien, êtes-vous content? Je suis ravi. Tu me rappelles toute l'histoire humaine et une partie de l'Égypte. Où allez-vous donc? À la recherche de mon Martin. Et vous ne m'emmenez pas? Non. Il vaut mieux que tu restes ici à te refaire un peu la main. D'ailleurs, ne faut-il pas que tu écrives à ta fiancée, mon pauvre garçon? Comment écrire? Dame, si par malheur tu allais... Comme c'est adroit de me dire ça! Il faut tout prévoir. Adieu. Je vais faire mes courses. Sors vainqueur d'un combat dont Naïde le prix. Adieu, mon petit Ceslas. Si j'ai le temps, j'achèterai quelques tulipes à tout hasard. Adieu, mon petit Ceslas. Je vole, vole, vole. Vieux hanneton! Le diable l'emporte avec ses tulipes! Quand je pense que c'est pour lui que je vais risquer ma peau, quand je dis pour lui, c'est pour Naïde. Puisque sa main dépend de ce tournoi. Elle est si belle, ma cousine. Elle a parfois un peu l'air d'une grue, mais c'est égal, c'est une femme bien agréable. Pourvu que mon adversaire n'aille pas me faire de mal. Il n'a pas grande apparence. Et puis, je tire assez proprement, moi. À Eul, je passe pour une fine lame. Du reste, je le verrai venir, et s'il m'a l'air de savoir son affaire, je vous lui allonge un petit coup en carte basse. Que je connais rien de plus traître. Tiens, on dirait le creux de mon oncle. Mais oui, c'est lui. Avec, viendrait-il déjà me chercher? Non, jeune homme, vous ne me quitterez pas avant que je vous ai accablé du poids de ma reconnaissance. Sa reconnaissance? Eh mon Dieu, je vous répète que ça ne vaut pas la peine. Pas la peine? Lorsque sans vous, je pouvais être broyé. Broyé? Ah, oh, quel événement. J'en suis encore tout perplexe. Figure-toi... Bon, troisième histoire. Figure-toi, dis-je, qu'en sortant d'ici, je me décide à monter en fiacre. Mais vous vouliez aller à pied? Je le voulais, et point ne le fit. Connais-je persister dans cette résolution? Elle m'eût économisé une forte venette. Enfin, je monte en fiacre. À peine eûmes-nous fait quelques pas que, par un hasard sans précédent dans l'histoire moderne, les chevaux prennent le mort aux dents. Des chevaux de fiacre? Frappé de terreur, je crie au cocher de retenir ses coursiers. Il veut les rappeler, mais sa voix les effraie. Deux flèches, Venceslas, deux flèches, lancées à toute vapeur et des chaos à désarticuler mes bretelles. C'était effrayant. Je me trouvais dans la position d'Hippolyte sur son char. Seulement, au lieu d'être dessus, j'étais dedans. Bref, une catastrophe devenait imminente. Lorsque, tout à coup, cet intrépide jeune homme s'élance au péril de sa vie, saisit les rênes, arrête la machine. Et j'ai la satisfaction de me retrouver sur le pavé, le sein palpitant, mais sain et sauf. Comment? C'est monsieur qui... Oui, monsieur qui a exécuté ce brillant sauvetage. Oh, calmez-vous. J'en aurais fait autant pour le premier venu. Cela ne diminue pas votre mérite à mes yeux. Ah, jeune homme, que n'ai-je sur moi un balancier? Je vous frapperai incontinent une médaille commémorative. Mais si, à défaut de cet ornement, une modeste côtelette... Merci, j'ai déjeuné. Il est désintéressé comme un terre-neuve. Il m'ennuie, ce gros-là. Je suis fâché d'avoir arrêté son sapin. Mais au moins, dites-moi le nom de mon sauveur. Eh bien, eh bien. Il s'en va sans m'apprendre son noble nom. Son nom? Vous ne le savez pas? C'est Monsieur Isidore Martin. Isidore Martin? Du numéro 13. Le neveu d'un brave capitaine. Le capitaine Martin? Précisément. C'est lui. Qui, lui? Le Martin que je cherche. Et que vous n'avez pas voulu voir. Enfin, je le tiens. Oh, grand Dieu! Quoi donc? Qu'est-ce qui vous prend? Quand je songe que tout à l'heure, il pouvait être escoffié par les chevaux du fiacre. Je perdais, hélas... Un ami qui vous est bien cher. Non, 1000 piastres de rente. Oh, du reste, il ne faut pas que ça vous étonne. Monsieur Isidore n'en fait jamais d'autre. Comment? Tous les matins, il arrête un fiacre emporté? Non, mais il ne se passe guère de jour sans qu'il risque les siens pour sauver quelqu'un ou quelque chose. Hein? Qu'est-ce que j'apprends là? Mais c'est donc une manie? Ah! C'est un bien bon garçon que ce monsieur Martin. Mais un fameux braque et qui ne tient plus à sa vie. Mais j'y tiens, moi! J'y tiens à sa vie! Heureusement, me voici près de lui et... Oh, grand Dieu! Quoi donc encore? Vous m'avez fait peur. Et ce duel, ce malheureux duel? Ah, dame, c'est vous qui m'avez aguiché. Tu ne te battras pas. Mais mon oncle! Tu ne te battras pas. La main d'Aménaïde est à ce prix. Ah, ça! Permettez! Messieurs, quand il vous plaira. Nous sommes à vous. Tu vas lui faire des excuses. Des excuses? Pour le renfoncement qu'il m'a donné? Un renfoncement n'est pas un soufflet. Ah, oh, si c'était un soufflet, mais c'est un renfoncement. C'est déjà bien gentil comme ça. Eh bien, messieurs, les fleurets s'impatientent. Voilà! Venceslas, je vous défends. Un instant, jeune homme. Avant tout, que diantre, il faut s'expliquer. C'est inutile. C'est inutile. Venceslas! Voyons, jeune homme, voyons. Mon neveu est un peu vif. Il a eu des torts. Moi? Tu en as eu. Mais tu les reconnais. Comment? Il les reconnaît. Mais non! Marchons. Marchons. Mon Dieu, comment le désarmer? Ah! Monsieur, le pauvre garçon est idiot. Moi? Hier encore, il était à la longue pointe, section des abrutis. Mais sacrebleu! Dis, tu es idiot et je double la dot. Vous doublez la dot? Ah, c'est différent. J'aime mieux ça que de tout perdre. Monsieur, croyez bien que je suis... Il suffit, monsieur. Et puisque vous êtes idiot... Pardon, je... Oui, il est satisfait. Je suis satisfait. L'honneur est satisfait. Nous sommes tous satisfaits. Va faire un tour, mon garçon. Mais je ne puis le laisser croire. Va, que... mon garçon, va. Enfin, je respire. Ah, vous êtes bien bon de vous être donné tant de mal. Moi, dont vous avez sauvé les jours, devrais-je souffrir que vous risquassiez les vôtres? Tenez, s'il faut vous l'avouer, je n'acceptais ce combat que comme un moyen d'en finir. Vous dites? Il est midi. Eh bien, mon brave homme, il se peut qu'à 1 heure, je me fasse sauter la cervelle. Sauter la cervelle? À 1 heure? Saperlotte, marrante. Vous avancez, jeune homme, vous avancez. Oh, pour quelques minutes de plus ou de moins. Mais malheureux, pourquoi cette résolution que je qualifie d'insensée? Parce que... Mais bah, À quoi bon vous narrer ? Narrer toujours. Je vous porte beaucoup, mais beaucoup d'intérêt. Vous m'avez rendu un grand service, et si je pouvais à mon tour... Vous ? Allons donc, il s'agit de peine de cœur. Vous êtes amoureux ? Une femme. Je m'en doutais. Qui, depuis 8 jours, me fait tourner. Embourrique, je connais ça. Et c'est pour une pareille vétille que vous iriez. Eh, mon Dieu, les peines de cœur autant en emportent le vent. Vous ferez comme moi, vous oublierez. Oublier ? Encore un ? Merci. L'hiver dernier, je me mets à aimer une jeune fille. Un beau matin, j'achète des gants pour aller lui demander l'adresse de son père. Va te promener, parti pour la ville, pour je ne sais où en province. Je me dis comme vous, faut l'oublier. Je parviens à en aimer une autre, et cette autre... J'en conviens, c'est désagréable. Mais que diable ! Prenez patience, votre célimène finira par s'humaniser. J'entends qu'elle s'humanise. Vous ? Moi. Donnez-moi son adresse, j'irai la voir, je lui parlerai à votre endroit, et dans un mois, je veux danser à votre noce. Non. J'ai promis d'attendre. J'attendrai. J'attendrai encore un peu. Et si je ne retrouve pas mon Aménaïde... Aménaïde ? Aménaïde Durand. Mais c'est ma fille ! Ah ? C'est votre fille ? Eh bien, nous avons dansé et valsé ensemble l'hiver dernier. Ça m'a suffi pour apprécier les qualités de son cœur, et je vous demande sa main. Voilà. Mais je l'ai donnée à Venceslas. Eh bien, vous la reprendrez. Mais... Sa main, ou vous aurez ma mort sur la conscience. Alors bon. Décidez-vous. Mais ce pauvre Venceslas... Comment me dégager ? Ah ! J'ai un moyen. Je l'enverrai faire l'air. C'est entendu. Vous l'aurez, mon ami. Vous l'épouserez. L'épouser ? Ma cousine ? Eh bien, et moi ? Toi ? Tu iras te faire l'air. C'est convenu entre nous. Mais sapristi, vous m'avez donné votre parole ! Eh bien, oui, je t'ai donné ma parole, et je lui donne ma fille. Je ne peux pas tout donner au même. Eh bien, si je n'ai pas la main d'Aménaïde, je tuerai, monsieur ! Ciel ! Et si monsieur épouse Aménaïde, je me tue. Double ciel ! Mes amis, mes bons amis, mais pourquoi donc cet animal de capitaine Martin va-t-il me constituer une rente sur la tête de son neveu ? Une lettre pour monsieur Durand. Donnez. C'est du capitaine Martin. Il me donne le mot du logogriffe. Mon cher ami, sachant mon neveu très braque et très écervelé, j'ai constitué ta rente sur sa tête afin de t'obliger par là à veiller sur lui. Ah, c'est donc pour cela qu'il tenait tant à ma vie. Mais maintenant que je suis de retour, ce soin me regarde. J'ai régularisé les choses en transférant la rente sur la tête de ta fille, Aménaïde. Enfin, j'échappe donc à la pression de ce vampire. Cher ami, tu n'auras pas ma fille. Au bonheur, et moi j'aurai... Toi, je t'ai promis des tulipes, tu auras des tulipes. Les éditions de l'Avenir vous ont présenté La tête de Martin de Granger de Courcelles et Barrières. Aux interprètes, Fred dans le rôle de Bertrand, Christian Martin dans le rôle de Durand, Merzline dans le rôle de Venceslas Durand et Aldor dans le rôle de Martin. Le texte et les personnages appartiennent au domaine public. Cet enregistrement est diffusé sous contrat Creative Commons Attribution Non-Commercial No Derivatives et est une production 2011 des éditions de l'Avenir. Pour tout connaître de nos productions, visitez l'avenir-audio.canalblog.com. Merci de votre attention. À bientôt. Beauty was sold for an old man's gold. He's a bird.